The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To fool. Tromper. To take up. Reprendre. To award. Attribuer. As part of. Dans le cadre de. Obituaries. La nécrologie. To damage. Porter atteinte à. Dénouement. Le dénouement. Flaw. La faille. Hoax. La supercherie. Wrong. Erroné. Now, a bit faster. Flaw. La faille. To fool. Tromper. Dénouement. Le dénouement. As part of. Dans le cadre de. To award. Attribuer. As part of. Dans le cadre de. To award. Attribuer. To fool. Tromper. To damage. Porter atteinte à. Hoax. La supercherie. To take up. Reprendre. As part of. Dans le cadre de. Obituaries. La nécrologie. To damage. Porter atteinte à. To fool. Tromper. Dénouement. Le dénouement. Hoax. La supercherie. To fool. Tromper. Now, use the words in context. Tromper. The prisoner managed to fool the guards and escaped last night. Ce détenu a réussi à tromper la vigilance des gardiens et s'est échappé la nuit dernière. Reprendre. The latest U2 hit was covered by this orchestra and made into a piece of classical music. Le dernier tube de U2 a été repris par cet orchestre qui en a fait un morceau de musique classique. Attribuer. The Palme d'Or has been awarded to an Argentinian film this year. La Palme d'Or a été attribuée à un film argentin cette année. Dans le cadre de. As part of his studies, he left for an internship in Boston at an American company. Dans le cadre de ses études, il est parti en stage à Boston dans une société américaine. La nécrologie. I've heard about Paul Newman's death in the obituaries of the New York Times. J'ai appris la mort de Paul Newman en ouvrant la page des nécrologies du New York Times. Porter atteinte à. I hate tabloids because I think no one should be allowed to breach the privacy of another. Je déteste la presse à scandale, car je trouve qu'on ne doit pas porter atteinte à la liberté des personnes. Le dénouement. I liked that movie up to the resolution. The ending is really poor. J'ai aimé ce film jusqu'à son dénouement. La fin était vraiment médiocre. La faille. This chess player found the flaw in his opponent's game and won the game in the 30th move. Ce joueur d'échecs a trouvé la faille dans le jeu de son opposant et a remporté la partie au 30e coup. Tromper.